norte tropical y florido. Todo es belleza. Todo es cálido y fértil. J'ai clapé du marron, je m'en vais clipper à Manaroro. C'est pas le parent, c'est bien des roues, c'est bien réel, c'est pas un film. Viens pas te frotter, je vais t'effriter. Arrête de faire le terrifiant, la scone ma gueule va te tarifer. C'est 400 volts, c'est l'associé. Tout seul ma gueule j'étais, aujourd'hui ils veulent tous s'associer. Ma gueule, tu pas un saucisson, je suis algérien, très loin d'être con. Arrête tes conneries, ma gueule, arrête tes flatteries. Pankani va faire du sale, Luna elle les rendra balle. La squale prépare un truc de malade. Tu en indé, c'est moi qui pose, c'est moi qui pose sur l'instru. C'est des putes, ils s'en vantent, moi je suis vrai et ils le sentent. Ma gueule, cru et ils le savent, cette fois-ci c'était pas grave. Mais cette fois-là c'était la dernière fois qu'on se revoit, la dernière fois qu'on se côtoie. Toi ma gueule t'es un mytho, toi ma gueule t'es une poucave. Ça me fait mal mais c'est pas grave, ça t'apprendra à baver. Moi toute ma vie c'est les baveux, le pavé je suis pas heureux. Il m'a été pas heureuse, mais heureusement je compte pas dormir. Je compte manger et en maigrir. Bendejo va les affaiblir et Mister Snow veut son bac pro. Il est pas monté au braco, c'est pas putain de bandolero. La suite arrive gros sans patient, comme ça patiente aux arrivants. Comme Dieu patiente pour le verdict, rappelle-toi, rappelle-toi. Ouais moi ah, rappelle-toi, la gamelle pas de mandat. Et pour du shit, ça t'évite à cause de sa pute, il hésite. C'est réel, sa vérité, je t'ai dit tout seul, ma gueule, je serai comme j'ai aidé, comme je le ferai. Je suis furieux depuis le berceau, je suis très curieux, gros, j'ai les crocs. Je veux pas qu'une part du gâteau, ma gueule, je veux gâter mon neveu. C'est un bonhomme, il me rend heureux, il est mignon, c'est un vainqueur, un vrai Jerry, pas un Halgué. Je suis de Paris, je viens de la banane, je vends de ce con, ça ta banane. La rue, la vraie, sois pas distrait, ça te charque, ça te laisse des plaies. Ça tire, c'est pour de vrai, réel est ta peine de prison, ta peine de cœur et cette connasse. Connard, je suis pas vénard, la squale, c'est le fruit du hasard, les rats, les stupes, le placard, la drogue, les putes, la bagarre, les traites, les faux, les bâtards, Bendejo, le mitard, c'est la squale, pas de hasard, pas de hasard, pas de hasard.